Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est un dictionnaire amoureux des faits divers que Didier Decoin vient de faire paraître chez Plon. Franck Ferrand nous le présente aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Étonnant ouvrage et captivant et inattendu, protéiforme je devrais dire. Le secrétaire général de l'Académie Goncourt s'en est donné à cœur joie dans cette exploration d'un phénomène, celui du fait divers, dont vit notre monde médiatique. Je suis très heureux qu'il ait accepté d'être des nôtres cet après-midi et pour nous mettre dans l'esprit, je vous propose, cela va faire plaisir à Claudine et à Jean-Sébastien qui avaient demandé ce sujet-là. Je vous propose de revivre l'incendie du bazar de la Charité. Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Germain qui voudrait connaître l'origine de l'expression « pas de quartier ». Pas de quartier, cela devait être la secrète devise d'un certain nombre de rescapés de notre incendie. Vous allez vite comprendre pourquoi je dis cela. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Souvent, quand on parle du bazar de la Charité, c'est comme d'un grand magasin permanent. C'est une erreur, évidemment. En réalité, et comme son nom le laisse entendre, ce bazar était une charité saisonnière qui revenait à chaque printemps. Or, à la belle époque, les grandes dames se doivent d'avoir leurs œuvres, vous savez, leurs œuvres de bienfaisance. Elles font leur charité, elles se dévouent à ces œuvres. En 1885, on a eu l'idée de réunir toutes les associations caritatives de Paris pour créer, chaque année, durant 3 semaines au printemps, un grand bazar de la charité. En 12 années, la manifestation s'est beaucoup promenée. On l'a vu au Faubourg Saint-Honoré, rue La Boétie, etc. Mais en cette année 1897, pour la première fois, elle a pris ses quartiers rue Jean Goujon, pas très loin du pont de l'Alma. Disons-le, à 2 pas des studios actuels d'Europe 1. Et à quoi ressemble-t-il ce local du 17 de la rue Jean Goujon? Eh bien, il faut que vous imaginiez un assez grand terrain vague, dominé par les pignons de hauts immeubles alentours, et sur ce terrain, dominant la rue, un vaste baraquement en sapin, un baraquement qui fait 80 mètres sur 13 et qui, naguère, a servi de salle de théâtre pour amateurs. Au centre, l'entrée est formée de 3 portiques surmontés de hampes où flottent des bannières colorées. On est à la belle époque, on s'y connaît en matière de décor. Au-dessus de l'entrée, en lettres rouges, vous pouvez lire « Bazar de la Charité ». Ça n'en reste pas moins une baraque en bois blanc. Et dès qu'on la voit, on se dit « Oh là là, si jamais le feu prenait là-dedans ». Le président du salon est un homme trapu, à grosse moustache blanche, c'est le baron de Macau. Or, en cette année 1897, il est tout fier d'annoncer à ses bienfaitrices que le jeune Harry Blunt a eu pour la décoration une idée géniale, et qui plus est, une idée qui n'a pas coûté cher. Pour une somme dérisoire, Blunt a fait acheter par le comité un décor utilisé naguère pour l'exposition du théâtre au Palais de l'Industrie. Ce décor de carton-pâte et de papier mâché représente une rue de Paris au Moyen-Âge. Alors il faut imaginer les boutiques avec leurs belles enseignes à la tête noire, à la truie qui file, à la tour de Nesle. Si vous ajoutez les oriflammes de Crépon, les fleurs artificielles, vous créez un Moyen-Âge 1900 de patronage et vous vous dites « Oh là là, si le feu prenait là-dedans ». Car des stands de carton et de papier, il est évident que ça peut flamber. Surtout si l'on coiffe toute cette galerie d'un grand vélum de toile goudronnée, claire, destiné à servir de verrière à peu de frais. Je vais vous dire, on aurait voulu faire un feu de joie qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Et voilà le grand jour arrivé. Ce 5 mai 1897, le tout Paris de la Haute Charité s'est donné rendez-vous au son d'un orchestre élégant qui joue des valses. L'air embaume de parfums coûteux, c'est Pivert, c'est Lubin, c'est Rose Jacqueminot. Les toilettes de ces dames sont magnifiques. Quoi de plus aérien que ces surras, ces gaz, ces chapeaux, ces aigrettes, ces hauts collets de tulle ruchée? Et l'on se dit « Oh là là, si le feu prenait là-dedans ». À 3h30 précise, le nonce apostolique en personne fait une entrée assez discrète du reste, au bazar de la Charité. La foule est très compacte, on n'a même pas vu que le nonce arrivait, pour tout vous dire. En l'absence de l'archevêque de Paris, qui est retenu à Rome ce jour-là, c'est lui qui est venu bénir la fête de l'esprit de bonté et de sacrifice. Une fête qui, j'aurais peut-être dû le préciser, mais l'arrivée du nonce me permet de le faire maintenant, est placée sous le patronage de l'Église, bien entendu. Ce sont des associations catholiques qui sont là réunies, en tout cas pour la plupart. Peut-être devrais-je vous rappeler le principe de ces ventes de charité. Il s'agit, pour les grandes dames, il y a là la duchesse de la Rochefoucauld, la baronne de Rothschild, etc. Il s'agit de jouer aux vendeuses sur des stands où sont cédés toutes sortes d'articles plus ou moins bradés par les différents fournisseurs à des clients qui, en les achetant évidemment, font un don indirect aux bonnes œuvres. Ça existe toujours, on a toujours évidemment ce genre de vente au profit d'un certain nombre d'associations. Je pense à la célèbre vente de la Fava, par exemple, qui chaque année a lieu dans la salle des fêtes de la mairie du 16e arrondissement. C'est toujours dans le même esprit. Cette année-là, la dame patronesse la plus importante est une altesse royale. C'est la duchesse d'Alençon, épouse du très distingué duc d'Alençon, donc cousine du duc d'Orléans. Et surtout, c'est ce qui fait évidemment sa popularité dans la presse, et surtout, sœur de l'impératrice Élisabeth d'Autriche, la célèbre Sissi. La duchesse d'Alençon préside le stand numéro 4, celui des noviciats, tiré bien à droite de l'entrée, du côté de la rue. Elle est, on pourrait presque dire, à elle seule, une attraction pour cette foule élégante qui est là, et d'autant plus que son mari lui fait la gentillesse de lui tenir compagnie un moment sur le stand. Ce mari, le duc d'Alençon, est quasiment aussi célèbre qu'elle. En vérité, la grande attraction est ailleurs. La grande attraction du bazar de la Charité millésime 1897... c'est le tout nouveau cinématographe. Monsieur Normandin, entrepreneur de cette toute nouvelle forme de spectacle, n'a été inventé que l'année précédente, il faut le préciser. Monsieur Normandin a installé son matériel dans une petite salle, installée derrière le baraquement, sur ce qu'il reste de terrain vague, et au fronton de cette salle, on peut lire « Le cinématographe perfectionné, photographies animées, la plus merveilleuse découverte du siècle, donnant l'illusion de la vie réelle, avec un prix d'entrée à 0,50 francs, ce qui nous paraît très peu, mais qui, pour l'époque, était quand même un certain prix. 7 vues différentes sont proposées, à raison d'une séance tous les quarts d'heure. L'assistant qui s'occupe de la lampe de projection s'appelle Monsieur Bellac. C'est lui qui, notamment, est chargé de faire le plein d'éther. Vous avez bien entendu ? Vous avez bien entendu, on parle de lampes et d'éther. Un tel équipement est-il raisonnable au milieu de tout ce bois sec, de tout ce carton, de toute cette toile goudronnée ? On ne peut s'empêcher de se dire décidément « Oh là là, et si le feu prenait là-dedans » de la Gaîté Parisienne par Offenbach. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la catastrophe du bazar de la Charité dans un court instant sur Europe 1. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, au dramatique incendie du bazar de la Charité. L'entrepreneur de cinématographe, Monsieur Normandin, est en train de changer de bobine. « Oh, on y voit goutte », dit-il à son assistant Bellac, « donne-moi de la lumière ». L'assistant craque une allumette qui aussitôt enflamme les vapeurs d'éther de la lampe et communique une flamme au rideau de la cabine de projection. Un bénévole qui est posté près de l'écran aperçoit tout de suite cette lueur suspecte et il a le bon réflexe, il va tout de suite faire évacuer la petite salle. Bellac, à ce moment-là, sort de la cabine, affolé, et il lance à ce bénévole qui ne peut maîtriser le feu qu'il faut prévenir d'urgence Monsieur de Maco et tout faire évacuer. Quand il dit tout, c'est-à-dire l'ensemble de la manifestation, bien entendu. Le brave garçon court alors jusqu'au bureau des organisateurs, qu'on a baptisé pour l'occasion Hôtel des Prévôts. Et oui, on est toujours dans cette thématique du Moyen-Âge. Dommage qu'on ne se soit montré plus pointilleux sur les détails de décor que sur ceux de sécurité. Mais n'oubliez pas qu'on est en 1897 et que ce sont des préoccupations qui, à l'époque, ne sont pas du tout aussi répandues qu'aujourd'hui. Il est exactement 4 heures quand les responsables, affectant beaucoup de bonhomie, il faut surtout affoler personne, commencent à faire évacuer en douceur une galerie qui, encore une fois, est pleine à craquer. 1200 invités au milieu de tous ces stands. Je vous dis, on marche sur les robes et on est au coude à coude. C'est bientôt le sauve qui peut. Déjà, la salle de cinéma entière est la proie des flammes. Ça commence à roussir la paroi de la vaste galerie commerçante du bazar de la Charité. Et d'un seul coup, une flamme jaillit de derrière le petit habitacle, se faufile très vite jusqu'au plafond, gagne le vaste vélum goudronné et là, à toute vitesse, en une seconde tout au plus, se propage sur les 80 mètres de faux ciel de cette rue du Moyen-Âge en carton-pâte. Il y a un ronflement sinistre et puis soudain des flammes partout en l'air qui tout de suite se mettent à redescendre le long des portants, des boiseries, des drapeaux, des décors. Il faisait bien sûr déjà très chaud à l'intérieur du baraquement. À présent, c'est la fournaise. Il faut imaginer le cri de panique qui a retenti. Aussitôt, c'est la précipitation désordonnée de la foule, un mouvement général immédiat vers l'issue du milieu, vers l'entrée principale qui donne accès à la rue. Comment décrire la bousculade, la mêlée, que dis-je, les empoignades, les arrachements et, on s'en rendra bientôt compte, les coups bas. En quelques instants, ce sont plusieurs centaines de personnes qui se retrouvent comme ça, agglutinées devant les deux tambours de l'entrée, je devrais dire maintenant de la sortie. Et oui, et ça c'est le détail supplémentaire, on avait cru bon d'installer des tambours, vous savez, ces espèces de portes tournantes comme on a dans les grands hôtels et qui permettent de répartir la foule à son entrée. Ces tambours, évidemment, ils vont avoir pour effet effroyable de ralentir l'évacuation. Quand je dis la ralentir, l'empêcher même à certains moments, ils sont complètement bloqués, les gens essaient de tirer les portes, d'autres essaient de les pousser, bref, et le feu pendant ce temps-là gagne du terrain et l'on voit le baraquement qui commence à s'effondrer par endroits, alors certains cherchent à s'agripper, encore une fois on se bat devant cette issue, un jeune homme assène des coups violents avec le pommeau de sa canne à des femmes autour de lui, il y aura plusieurs témoins pour l'affirmer, un monsieur d'âge respectable entreprend d'escalader tout un tas de personnes qui sont maintenant effondrées au sol et à quelques pas de là, vous avez une religieuse agenouillée qui a les mains jointes et qui prie en silence tandis que sa robe de bure est déjà la proie des flammes. On peut dire que la panique est indescriptible et d'autant plus que le feu se propage extrêmement vite, comme une traînée de poudre. Le décor, après seulement 4 minutes d'incendie, n'est plus que flambeaux noircis, cendres incandescentes, des pans entiers maintenant du décor et de la structure s'effondrent sur les gens, ce qui enflamme les vêtements, ce qui enflamme les cols, les cheveux et jusqu'aux barbes. Le goudron en fusion qui goûte partout de ce qu'il reste de plafond provoque aussi de terribles brûlures. L'exemple du sang-froid et du courage, c'est la duchesse d'Alençon qui va le donner. Pour une fois, elle qu'on n'entend jamais élever la voix, elle a presque crié « Surtout pas de panique », a-t-elle dit. « Les jeunes filles d'abord ». Il y a une telle grandeur dans ces espèces de priorités désespérées qu'on trouve au moment de grandes catastrophes. « Sauvez-vous », ajoute la duchesse, « partez bien vite, je sortirai la dernière. » Et malgré cette épaisse fumée noire qui maintenant envahit ce qu'il reste du bazar de la Charité, cette épée suffocante qui empêche de voir ne serait-ce qu'à 2 mètres, elle ne retrouvera même pas son mari, la duchesse d'Alençon. Le duc s'était absenté, il était du côté de l'entrée au moment où le sinistre s'est déclaré. Il est revenu comme il a pu vers le stand numéro 4, tandis que la duchesse de son côté, la princesse devrais-je dire, espérant ardemment le voir, avance dans la fumée vers la porte. Elle a eu l'excellent réflexe d'envoyer ses petites vendeuses de l'autre côté vers une des deux sorties de secours, car il y avait des sorties de secours. Encore fallait-il le savoir. Ces sorties de secours, elles donnent sur l'arrière du baraquement, elles donnent sur un terrain vague, mais là-bas, ce sont les mêmes scènes de bousculade que devant les grands tambours donnant sur la rue. Après 6 minutes de fournaise, le baraquement en cours d'effondrement est devenu un four qui brûle vif des dizaines de victimes. La chaleur est telle que les cheveux maintenant, notamment les cheveux des dames, s'embrase tout seul. Parmi les femmes qui parviennent à s'extraire au dehors, les témoins sont sidérés de constater que certaines sont sans blessure apparente et pourtant elles hurlent. Et oui, ce sont en fait leurs jupons qui sont en train de brûler sous leurs robes. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Revenons avec vous, Franck Ferrand, rue Jean Goujon à Paris, au Bazar de la Charité, théâtre le 4 mai 1897 d'un terrible incendie. C'est un tel affolement, cette affaire du Bazar de la Charité, qu'on ne pense même pas, personne ne songera à seulement ouvrir les fenêtres qui donnaient sur le terrain vague et qui auraient permis beaucoup d'évacuations. Il y a quand même 7 fenêtres, il suffisait de tourner les espagnolettes. Seulement, comment voir des fenêtres au milieu de tant de flammes, autant de fumée? Et surtout, n'oublions jamais cet aspect-là, de bousculades, de cris, d'affolement. Il y a maintenant une odeur de chair brûlée, de bruit d'eau qui éclate, des cris désespérés de victimes qui se transforment en torches vives et font de cette fournaise le pire enfer qu'il soit possible d'imaginer. D'ailleurs, ça dépasse tout simplement l'imagination. Georges Grison dira de la catastrophe « J'ai fait la guerre de 70, j'ai assisté à 80 exécutions capitales, j'ai été le témoin de 50 catastrophes terribles, jamais ». Jamais je n'ai rien pu voir d'approchant dans l'horreur. C'est l'horreur qui s'est abattue sur ce bazar de la Charité qui, à 16h14, n'est plus qu'un brasier grondant et hurlant. Son toit, ses hautes cloisons, tout s'est effondré, alors qu'évidemment, les secours s'organisent et s'organisent en un temps record. Le duc d'Alençon a continué de chercher désespérément sa femme. Le feu a pris dans sa barbe blanche, il l'a roussi, peu lui importe. Il veut retrouver sa Sophie. Une femme qui l'a reconnue lui assure qu'elle est sauve. La duchesse est sortie, lui dit-elle. Est-ce que c'est une illusion de la part de cette femme ou un pieux mensonge? Toujours est-il que le duc finira par sortir sur le terrain vague. Mais ce sera pour comprendre qu'il a été trompé. Il la reverra, sa femme, mais morte, calcinée, réduite à l'état d'un demi-cadavre noir mangé par le feu. Alors sur ce fameux terrain vague, il y a des rescapés qui se roulent par terre malgré leurs blessures afin d'éteindre ce feu qui les poursuit. Tout le monde est comme fou et les gens, comprenez bien, sont prisonniers. Ils sont prisonniers entre le bâtiment en feu du bazar de la Charité et puis les bâtiments derrière. Il n'y a aucune issue, aucune sortie pour aller jusqu'à la rue. Enfin, il y en a une, mais elle est tellement peu visible et tellement étroite que la plupart n'y vont pas. Et il va falloir essayer de les évacuer par un soupirail donnant sur le bâtiment à l'arrière. C'est un travail terrible. Il va falloir arracher entièrement une grille, tandis qu'évidemment, dans la salle écroulée, qui n'est plus qu'une vaste fournaise, il n'y a plus maintenant une seule âme en vie. Le plafond s'est écroulé d'un coup dans une gerbe d'étincelles. Un immense, un inoubliable cri d'horreur s'est envolé dans le ciel de Paris. Et maintenant, on n'entend plus que le ronflement des flammes. À 16h23, les secours sont à pied d'œuvre. Les pompiers inondent l'atroce brasier à l'aide de leurs grandes lances. La foule des badauds a grandi dans la rue Jean Goujon, dans tout le quartier alentour. La police s'efforce de faire de la place. Certains sauveteurs spontanés vont encore accomplir des miracles. On en a vu, hein, c'est tout à fait extraordinaire, qui sont entrés dans le brasier pour aller sauver ceux qui pouvaient encore l'être. Simplement, il y a du vent qui ne fait qu'attiser les flammes, une fumée épouvantable. C'est une vision d'horreur. Les responsables du bazar sont entrés tout droit en enfer, disons-le, ils titubent horrifiés au milieu de la catastrophe. Monsieur de Maco a plusieurs fois emprunté le corridor qui relie le fameux terrain vague jusqu'à la rue, ce qui a tout de même permis de sauver pas mal de monde. Il a réussi à en attirer vers lui. Quant au pauvre Blunt, vous savez qu'il avait eu l'idée de ce décor tellement inflammable. Son visage est couvert de sang et de larmes mêlées. Ses sourcils ont brûlé et il hoquette « Je suis responsable. Tout cela, c'est de ma faute ». Au total, l'incendie du bazar de la Charité aura fait 125 morts, ce qui est beaucoup naturellement, mais pas tant que ça, si l'on songe qu'il y avait 1200 personnes au moment où s'est déclaré le sinistre. Il n'empêche, la publication des chiffres va susciter un grand scandale, et je vais vous dire pourquoi. C'est que sur les 125 victimes en question, 5 seulement, je dis bien 5, sont des hommes, 120 sont des femmes. Je vous laisse conclure et comprendre vous-même la raison de cette énorme disparité. Il y a eu visiblement un peu plus que de la bousculade du côté des sorties de secours. On a parlé à propos du bazar de la Charité de suicide de la galanterie française, mais c'est vrai que c'est un peu ça. C'était un vrai naufrage, d'une certaine manière. Quant à la duchesse d'Alençon, et c'est Didier de Coin qui nous le dit dans son beau dictionnaire amoureux, elle fut inhumée dans la chapelle royale de Dreux sous un gisant du sculpteur Louis-Ernest Barrias. Le plus souvent, parce qu'ils évoquent les défunts endormis pour l'éternité, nous dit Didier de Coin, les gisants présentent une image du disparu qui se veut apaisée, consolatrice. Mais Barrias, sans doute parce qu'il avait été bouleversé par le martyre de la duchesse d'Alençon et qu'il voulait qu'on s'en souvînt, choisit de montrer Sophie Charlotte étendue près d'une poutre calcinée, sa longue natte défaite, ses mains contractées, son corps convulsé sous les effets de la douleur et de l'agonie. En 1910, cette sculpture ayant été jugée tout de même un peu trop tragique, on la descendit dans les sous-sols de la chapelle royale pour la remplacer par une autre plus consensuelle. Le sublime gisant de la duchesse suppliciée par le feu resta ainsi caché pendant 102 ans. Et puis quelqu'un se rappela son existence. Un peu comme les geôliers du temps jadis visitaient épisodiquement les oubliettes pour s'assurer que leur reclus était encore en vie, une ambassade d'experts alla voir comment la statue avait supporté la longue et injuste pénitence à laquelle on l'avait soumise. En mars 2012, le gisant fut enfin, avec mille précautions, arraché à deux siècles d'obscurité, d'indifférence et de solitude, conduit au musée d'art et d'histoire de la ville de Dreux. Il en est devenu un des joyaux. De quoi faire à nouveau briller dans un sourire par-delà la tombe les jolies dents blanches de l'héroïque duchesse d'Alençon. Bonjour Didier de Coin. Cet incendie du bazar de la Charité n'est qu'un des très nombreux faits divers qui figurent dans votre dictionnaire amoureux, mais qui n'en constitue pas toute la substance. Nous allons voir que vous êtes allé beaucoup, beaucoup plus loin. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Dossiers sensibles et faits divers à travers l'histoire, c'est le thème de votre émission cet après-midi. Franck Ferrand, vous nous en parlez avec votre invité Didier de Coin, écrivain, journaliste, secrétaire général de l'Académie Goncourt, auteur du dictionnaire amoureux des faits divers aux éditions Plon. Un mot peut-être, Didier de Coin, sur cet incendie du bazar de la Charité, cette terrible tragédie de l'année 1897, qui d'ailleurs, il faut le préciser, est une année très riche en faits divers et en événements. C'est une année où l'actualité ne cessait d'être étonnante, surprenante ou, dans le cas du bazar de la Charité, terrifiante, car ça a été vraiment un événement affreux. Oui, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette histoire du bazar de la Charité, c'est que 6 semaines avant l'inauguration du bazar, une certaine comtesse de Maillé, qui était responsable d'un certain nombre de stands, convoque les dames qui vont l'assister pour vendre les choses, etc., et pour une espèce de goûter, de thé sympathique, et elle fait venir, pour que ce soit plus attractif, une voyante dont on parle beaucoup, qui s'appelle Henriette Couédon, qui est une femme très très échevelée, livide au milieu des tempêtes, avec une chevelure noire qui part un peu dans tous les sens, et qui se présente vêtue d'une toge blanche à la grecque. Et alors, très spectaculaire, et tout le monde s'attend à qu'est-ce qu'elle va nous raconter, qu'est-ce qu'elle va nous prédire. Et contre toute attente, voilà que cette Henriette Couédon dit « Je vois du côté des Champs-Élysées », avec une voix comme ça, lyrique, « Je vois du côté des Champs-Élysées un bâtiment, voilà, un endroit élevé pour la charité, et surtout je vois des flammes s'élever, j'entends des cris d'horreur, je vois de la chair brûler, etc. » Évidemment, ça a jeté un J'en froid. J'en vois comme par pelleté, a-t-elle dit. Comme par pelleté. Oui. Ça a jeté un froid aux agapes de la comtesse de Maillé. On a vite changé de sujet. Et 6 semaines après, on n'y pensait plus. Et puis est arrivé ce que vous avez brillamment raconté, cette horrible tragédie. Et est-ce que ce n'est pas ça, justement, un fait divers? Je m'en réfère évidemment au très célèbre article de Roland Barthes dans les Essais critiques, hein, structure du fait divers. C'est-à-dire qu'un fait plus un autre, en soi, ça ne fait pas un fait divers, mais c'est le rapprochement d'éléments paradoxaux ou concomitants ou complexes qui crée le fait divers. Bien entendu, on en a un exemple fulgurant avec le Titanic. Ce qui est intéressant dans l'histoire du Titanic, bon, c'est un horrible naufrage, mais des naufrages, il y en avait beaucoup, et il allait encore s'en produire de nombreux. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'homme croyait qu'il avait mis au point le bateau insubmersible. Et cette espèce de certitude qu'il avait, alors, s'ajoutant à ça, tous les détails qu'on a appris par la suite, l'orchestre qui jouait, d'ailleurs qui n'a jamais joué plus près de toi, mon Dieu, mais qui joue une rumba, je crois, pour donner un petit peu plus de... La rumba Martha. Tous ces éléments-là, effectivement, rapprochés, ont fait de ce naufrage un immense... Et vous parliez des tambours qui empêchaient les gens de sortir. Oui. Il y a eu un autre incendie dont je parle, qui est celui de Saint-Laurent-du-Pont, le 5-7, je crois que ça s'appelait le... Et il se trouve que c'est la même chose qui s'est produite. Des jeunes par centaines sont morts dans cet incendie, parce que les tourniquets à l'entrée, pour éviter qu'il y ait des gens qui trichaient, etc., ne tournaient que dans un sens, c'est-à-dire de l'entrée, vers l'entrée, on entrait, mais on ne pouvait pas sortir. C'était bloqué. Une nasse, ça s'appelle. Et on a trouvé des corps fondus les uns dans les autres, agglutinés. C'est terrible, les incendies. Alors, qu'est-ce que c'est finalement qu'un fait divers ? Quand j'ai vu que vous alliez publier, avant de recevoir votre livre, un dictionnaire amoureux des faits divers, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir y avoir là-dedans ? Parce que le fait divers, c'est un peu ce qui ne peut pas être classé ni en fait politique, ni en fait sportif, ni en fait diplomatique. Je cite encore Barthes, hein, « Voici un assassinat, dit-il, s'il est politique, c'est une information, s'il ne l'est pas, c'est un fait divers. Le fait divers procéderait d'un classement de l'inclassable. Il serait le rebut inorganisé des nouvelles informes. Son essence serait privative, il ne commencerait à exister que là où le monde cesse d'être nommé. » On revoit là d'ailleurs tous les tics de langage de Il a tout à fait raison, d'ailleurs, Barthes, de dire ça. Le fait divers, c'est effectivement l'inclassable. Mais ce qui est singulier, c'est de voir comment le fait divers prend du galon. Prenez l'exemple de l'affaire Dreyfus. Ça commence par une corbeille à papier dans laquelle il y a un bordereau déchiré que quelqu'un va relire et dire « mais ce truc-là, c'est une trahison ». Mais c'est rien du tout au départ. Et puis ça va devenir une affaire d'État. Ça va quitter le domaine du fait divers pour entrer dans le fait affaire d'État, affaire historique, etc. Donc le fait divers, il est fragile. Il vit pas longtemps toujours en état de fait divers. À la limite, le fait même qu'on s'en souvienne lui fait perdre son caractère. Il n'est plus fait divers à partir du moment où il entre dans l'histoire. Il faut qu'il soit éphémère, en fait, pour être un bon fait divers. Et d'ailleurs, il y avait à l'époque des journalistes qu'on appelait les faits diversiers, qui étaient spécialisés dans le fait Bien divers, sûr, oui. Et qui est des gens qui ont traité 5, 6, 7, 8 par jour, et l'un chassait l'autre. C'est un clou chasse l'autre. Et ces journalistes n'étaient pas, vous le dites hein, d'ailleurs, mais au fait, ces faits divers, qui en écrit jour après jour et le plus souvent nuit après nuit, l'interminable litanie, officiellement appelée faits diversiers, le journaliste chargé des chiens écrasés est un peu à part dans une rédaction. Mais disons les choses, il est même carrément au-dessous des autres. Il est ostracisé, bien entendu. Il est le... D'ailleurs, il s'était souvent habillé, parce qu'il devait sortir comme ça à n'importe quel moment, avec le petit manteau. Vous savez, Brel parle à un moment, son petit manteau gris, son petit chapeau, ses petits souliers, etc. C'était un petit personnage un petit peu falot, méprisé des autres. Et alors, il y avait dans Paris, du côté des Halles, une halle aux faits divers, et qui était une espèce de bounia, tenue par un auvergnat, bois et charbon, où les faits diversiers de la capitale, quand ils n'avaient plus rien à se mettre sous la plume, se réunissaient, il y a « t'aurais pas quelque chose à me fournir, etc. » Voilà, c'est... Mais il n'y a pas eu que des faits diversiers de bas de gamme. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a des gens extraordinaires qui ont travaillé sur le fait divers. Bon, il y a Barthes, mais il y a surtout, moi j'y suis sensible parce que appartenant à l'Académie Goncourt, elle fut la présidente de notre compagnie, Madame Colette, l'inventrice des Claudines et des ravissants comme la Vagabonde, qui a assuré pour le Matin plus de 1200 faits divers, et non des moindres, l'arrestation de la bande à Bono, le procès Landru, l'exécution de Weidmann, elle était... Et puis il y a chez Colette cet extraordinaire sens du détail qui va faire le grand fait divers, en quelque sorte. Même sur un événement tout à fait simple, l'élection d'un président de la République à Versailles, par exemple, elle est dans la salle à manger de l'hôtel des réservoirs, la façon dont elle décrit la chose, elle nous dit toutes ces dames très, très habillées, très parfumées, qui pépient comme de beaux oiseaux dans une cage, nous dit-elle. On a l'impression d'y être et elle va donner corps aux faits divers. Un autre avant elle, avait ouvert la voie, c'était le grand Victor Hugo avec ses choses vues. Bien entendu. Et Tourguenieff. Et Tourguenieff aussi. Qui, bon, Tourguenieff qui raconte cette anecdote qui est terrible, parce que c'est d'ailleurs l'exécution de Weidmann. Alors tout le monde est là pour assister à cette... il va passer à la guillotine. Et il y a des gamins de Paris, des petits gavroches qui sont venus aussi pour voir ça. Et eux, ils peuvent pas s'approcher, ils n'ont pas de place officielle. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils grimpent dans un arbre qui est là. Et l'un des petits garçons tombe et se tue. Donc voilà, la mort vient de frapper, avant même que Weidmann soit décapité. Et devant le corps du petit garçon, les gens rient. Parce que ça compte pas. C'est pas vraiment la mort, c'est juste un petit gavroche qui est mort. Et Tourguenieff raconte ça, c'est terrible. C'est magnifique en même temps. Vous voyez bien que la force du fait divers tient au paradoxe et en quelque sorte au potentiel qui distingue deux événements et qui les rapproche dans une concomitance de temps. C'est ça qui est étrange. Le même événement sans la mort du petit gavroche devient... Qu'une exécution parmi tant d'autres. Voilà, c'est ça. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas dire d'une certaine manière que le fait divers est une création littéraire, au-delà même des événements qui sont fournis par la réalité. En tout cas, il est un nutriment de la création littéraire. Comment écrire, comment même faire du cinéma, comment même les opéras. Moi, je suis un fou d'opéra. Bon, eh bien, La Bohème, c'est un fait divers. Manon Lescaut, c'est un fait divers. Carmen, c'est un sacré fait divers. C'est une foultitude comme ça de un bal masqué, c'est un fait divers. Ça a tout inspiré. Et le cinéma, alors, a puisé sans vergogne dans le répertoire des faits divers jusqu'au jour d'aujourd'hui j'ai vu mon père, par exemple, qui était cinéaste, qui vivait au milieu des journaux ouverts à la page des crimes, etc., et qui était là-dedans comme un pivert, vous savez, qui tape sur un arbre, il picorait ça, des sujets de films parmi les faits divers. Et oui, et non seulement de films, mais de dramatiques de toutes sortes, y compris, je précise, radiophonique. Oui. Qu'aurait été la radio des temps héroïques sans le fait divers, évidemment. Fait divers qui a trouvé ses lettres de noblesse dans les histoires extraordinaires, les dossiers extraordinaires de Pierre Bellemare sur cette tout même antenne ici. Bellemare nous abreuvait chaque jour d'un fait divers plus extraordinaire les uns que les autres. Hein, et on y croyait, on le voyait, on l'entendait, on le respirait. C'était extraordinaire. Alors, vous avez fait comment vous-même, Didier Decoin? Vous les avez collectionnés, ces faits divers? Vous êtes allé à la chasse aux faits divers? À la pêche, je dirais. À la pêche, parce que des fois ça mordait, des fois ça mordait pas. J'ai une grande passion pour la presse. Et donc, la lecture des journaux est une récréation et un bonheur, une gourmandise pour moi. Donc je me suis plongé dans les collections. C'est facile aujourd'hui, avec Internet, par exemple, on peut consulter des collections de journaux américains. J'ai trouvé pas mal de faits divers très peu connus, voire complètement inconnus, dans les collections de journaux américains. Alors quand je tombais sur un fait divers, c'est exactement comme la lionne quand elle tombe sur l'antilope qui veut bien cesser croquer, je jubilais. On peut dire que la presse anglo-saxonne, d'une façon générale, parce que les Anglais sont très forts aussi, a fait du fait divers un élément essentiel. C'est ce qui a expliqué les très grands tirages de la toute fin du 19e siècle, d'ailleurs. En France, on a une préférence pour l'éditorial, pour le politique, pour les articles d'opinion, au détriment un peu du fait divers, qui néanmoins a eu sa grande époque. Mais ouais. Ça n'a jamais été un art tout à fait à part entière chez nous. Non, parce qu'on a, je pense, on n'a pas la même tendresse, car il en faut, pour le petit peuple des faits divers. Alors, le petit peuple des faits divers, c'est bien évidemment la victime d'abord. La reine de tous les faits divers, c'est Iphigénie. Hein, bon, la pauvre petite cocotte, pauvre la princesse. Sacrifiée d'Agamemnon. Bon, mais il n'y a pas que les victimes. Il arrive parfois que le bourreau, le tueur, on éprouve pour lui de la commisération, parce que, pas seulement parce qu'il a eu une enfance dévastée, mais parce que il y a quelque chose en lui d'exceptionnel. Il sort de notre monde traditionnel, il nous montre un autre visage de l'humanité. Et puis il y a l'enquêteur, le policier qui cherche et qui trouve et qui parfois ne trouve pas. Et puis il y a le journaliste qui rencontre. Je veux dire, c'est toute une galaxie très habitée, tout un tissu humain formidable. Extraordinaire. Alors vous savez, Didier Decoin, que cette émission s'appelle Au cœur de l'histoire avec un petit H, parce que nous mettons toujours en avant les histoires, justement. Eh bien, nous allons voir que le fait divers peut parfois remonter loin, voire très loin. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire s'intéresse cet après-midi aux dossiers sensibles et faits divers à travers l'histoire. Avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Didier Decoin, écrivain, journaliste, secrétaire général de l'Académie Goncourt, auteur du Dictionnaire amoureux des faits divers aux éditions Plon. Je feuillette, Didier Decoing, votre dictionnaire amoureux. Alors, j'étais à l'article là à l'instant, l'article sur la bête du Gévaudan, dont nous avons eu l'occasion souvent de parler ici. Le mystère peut faire partie du fait divers, du reste. Hein, c'est... Ça lui donne même un lustre particulier. Évidemment, quand il y a une énigme, évidemment, ça pimente les choses. Et puis l'article suivant, Hélène Gillet, et là on est dans un fait divers encore plus ancien, on est carrément sous Louis XIII cette fois. Henri II. Sous Henri II même, oui. Et même sous Henri III, Henri II est important dans cette histoire parce qu'il a eu l'idée d'une loi imbécile qui prétend que toute femme ayant accouché clandestinement d'un enfant qui n'est pas baptisé, si cet enfant meurt, la femme est condamnée à mort et exécutée. Et Hélène Gillet est une petite jeune fille totalement ravissante, c'est important qu'elle soit très jolie. Et bien sûr. Et qui a été séduite et abandonnée par un précepteur qui l'a violée, qui lui a fait un enfant. Elle a accouché clandestinement. Le bébé est mort-né. Elle a enterré le cadavre de son bébé au pied d'un mur. Un corbeau l'a trouvé. Un soldat s'est en... Bref, elle a été traduite en justice, condamnée à mort et elle doit être exécutée. Et c'est un bourreau qui s'appelle Grandjean, si ma mémoire est bonne, qui est chargé de lui couper la tête à l'épée, parce qu'Hélène Gillet mérite l'épée plutôt que la hache. Et quand il la voit, Grandjean, il se dit « Je pourrais jamais couper une aussi jolie tête, je ne pourrais pas, c'est au-dessus de mes forces, c'est un homme qui est sensible à la beauté féminine. » Et il dit à sa femme « J'y arriverai pas. » Alors elle, la femme de Grandjean, c'est la mégère parfaite, elle ne voit qu'une chose, c'est la prime que son mari va toucher quand il aura opéré la décollation de la pauvre Hélène Gillet. Donc elle l'accompagne sur le lieu de l'exécution, un échafaud au milieu de la ville. Là, il y a la petite Hélène qui est à genoux, les mains liées. Elle a dégagé ses cheveux blonds de manière à ce que la lame puisse passer plus facilement. Avec une extraordinaire docilité, elle incline sa tête sur le billot. Grandjean voit ça, il est très très mal. Il a la sueur qui lui coule du front. Et... Bon, mais il faut le faire. Puis sa femme le regarde. Allez, vas-y, mon ami, vas-y. Alors il prend son épée, il la lève, on voit le soleil se refléter sur la lame. Tout ça est bouleversant, ça va durer une seconde, mais les gens sont... Bon, c'est pas le moment d'éternuer. Et il abat son épée et il rate. Parce qu'il est ému, parce qu'il est bouleversé, il rate le coup d'Hélène, il la blesse, mais il ne la tue pas. Il y a un mouvement, évidemment, dans la foule. On détestait à cette époque-là les bourreaux maladroits. Il reprend son épée, il la relève. Bon, à plusieurs reprises, il va rater l'exécution. Et là se produit ce qu'on appelle, c'est une expression que j'aime beaucoup, une émotion d'échafaud. C'est-à-dire que la foule... Une émeute, disons-le. Hein. Oui, oui, carrément. Et va se retourner contre le bourreau, le traitant de tous les noms. Et des projectiles, y compris de gros cailloux, commencent à pleuvoir sur Grandjean, qui va se réfugier dans une chapelle toute proche. En attendant, la pauvre petite Hélène Gillet, elle saigne, elle a reçu des coups d'épée dans l'épaule, dans le cou, etc. Mais elle n'est pas morte. Elle est même bien vivante. Elle se remet gentiment à genoux, attendant que quelqu'un veuille bien la terminer. Et c'est la femme de Grandjean qui décide de s'en charger. Alors, elle ne sait pas manier l'épée, c'est trop lourd pour elle. Alors qu'est-ce qu'elle fait, la femme de Grandjean? Ben là, elle est venue avec ses gros ciseaux de couturière, et donc avec ses ciseaux, elle va essayer de découper le cou. Vous imaginez la boucherie à laquelle... De nouveau, la foule hurle, nous allons avoir des appels au standard. Proteste et vocifère. On attrape la femme du bourreau, on lui fait subir aussi une lapidation comme à son mari. Les deux vont être mis à mort, le bourreau et sa femme. Et maintenant, il s'agit de savoir ce qu'on va faire d'Hélène. Alors on l'emmène chez un apothicaire qui va la soigner, la rafistoler. Elle proteste toujours pas, elle est vraiment adorable, cette petite. Et finalement on va demander sa grâce au roi qui va la lui accorder. Hélène Gillet finit sa vie dans la piété la plus profonde, etc. Elle aura vu la mort de près. C'est d'ailleurs très près, oui. Ça, c'est un des éléments constitutifs du grand fait divers, c'est de tutoyer la mort, évidemment. Et lui échapper. D'en revenir, ça c'est très fort. Ou pas d'ailleurs, parce qu'il peut arriver qu'on y passe et que ça fasse néanmoins un grand fait divers. Mais les survivants sont plus forts. Oui, bien sûr. Ah, oui. Ce qui est merveilleux dans votre ouvrage, c'est que c'est un vivier de grandes et belles histoires. Je pense que quand on écoute cette émission, c'est qu'on aime bien les belles histoires. Et petites, là, et petites aussi, il y en a qui sont... Et de petites, oui, d'ailleurs, quand je dis grandes, fortes, en tout cas, devrais-je préciser. Oui, et parfois, il y en a une qui m'a beaucoup fait rire, qui est l'enlèvement des Shields. Ce sont une bande de bras cassés qui décident d'enlever une famille qui s'appelle les Shield parce qu'ils sont persuadés que ce sont les Rothschild. Et ils vont emmener ces gens-là qui n'ont rien à voir. Quand ça se passe à peu près, oui. Ça se passe de nos jours, peu ou prou, enfin il n'y a pas très longtemps, oui, y a en Sicile, oui. je crois. Ils vont les enlever. Il se trouve que la fille est sourde, elle est fortement handicapée. Ils vont les détenir dans des conditions abominables, c'est peut-être en Sardaigne, enfin peu importe, des conditions abominables dans la montagne, dans la neige, dans les grottes, etc. Et demander des rançons aux Rothschild qui n'en peuvent plus. Ils ne voient pas du tout qui sont ces gens-là. Finalement, ils vont s'en apercevoir, mais au bout de plusieurs mois, et les libérer. Les Shield, pauvres gens. Il y a des accidents, bien sûr. On a parlé tout à l'heure du bazar de la charité, de cet incendie. Il y a eu des accidents terribles qui ont marqué la mémoire du journalisme, parce que c'est ça, évidemment, hein, qui compte. Il y en a un qui est très joli, qui est celui du viaduc de Staplehurst, parce qu'il concerne Dickens. Dickens revient des bords de mer avec une de ses maîtresses, qui est très très jeune, qui est une jeune comédienne, et la maman de la dite maîtresse, et ils prennent le train de la marée. Ce train doit passer sur un viaduc, à un certain moment, qui est très haut, au-dessus de d'un torrent qui alors est à sec et plein de cailloux. Et puis bon, pour des raisons compliquées, le train déraille, un certain nombre de wagons tombent dans le fossé et un wagon reste en équilibre, plus ou moins accroché au rail. C'est le wagon dans lequel se trouve Dickens, sa fiancée et la maman de la fiancée. Et Dickens est formidable parce qu'il va arriver à sortir du wagon qui est vraiment en équilibre instable, qui menace à tout instant de s'abîmer dans le torrent en dessous. Il va sortir du wagon et tout seul aider les malheureux blessés. Il y a des morts, mais il va aider les blessés. Il a une flasque de cognac. Il va leur donner à boire. Il va les prendre dans ses bras. Il prend une mourante comme ça, mais elle est jolie. Alors il l'a choisie parmi les autres. Et il va l'adosser contre un arbre, lui caresser la joue, lui dire je reviens, tout va aller bien. Quand il reviendra, elle sera morte, la pauvre petite. Et finalement, des secours vont arriver, mais il a eu une conduite tout à fait héroïque. Et alors, à la toute dernière seconde, alors qu'il y a toujours ce wagon qui est perché comme ça sur le bord, terrible, Dickens, on dit, alors venez, monsieur Dickens, vous avez vraiment bien travaillé. Il dit, attendez, j'ai laissé mon manuscrit dans le et mon chapeau dans le wagon là-haut. On dit, oui, mais ça va tomber, vous ne pouvez pas y aller. Si, je vais pas laisser ça là-haut. Et donc, il regrimpe. Vous voyez, tout le peuple qui est en dessous, qui l'applaudit. Bravo, bravo Dickens. Il récupère, il revient avec son chapeau. Et son manuscrit. Surtout. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Ce qu'il y a de plus cher à un auteur. Pour un auteur. Alors, oui. Il y en a beaucoup d'écrivains dans ce livre. On n'en attendait pas moins du secrétaire général de l'Académie Goncourt, évidemment. C'est mais vous parlez de Maupassant, vous parlez de Flaubert. Enfin, ils sont là, tous présents, parce qu'on parle bien d'écriture, quand même. Oui. Enfin, Flaubert, j'adore, parce que Flaubert, il avait des copains qui disaient ce qu'il faisait. Et c'était l'époque où Flaubert faisait des péplums, qui étaient beau, mais qui était fortement ennuyeux. Et un jour, un de ses amis, qui est Maxime Ducamp, lui dit, écoute, Gustave, vraiment, je t'assure, tu ennuies tout le monde avec tes grosses machines. Écris quelque chose de Salambo, de trivial, tu vois, de bien ancré dans la glaise, dans la réalité du monde. Il dit, oh, tu que je trouve ça, moi, du trivial, du vulgaire. Au moins, Gustave Flaubert, je connais pas le vulgaire et le trivial. Alors l'autre lui dit, mais dans le village d'à côté où tu habites, là, il y a une fille qui s'appelle Delphine de Lamarre, elle s'est suicidée, il lui est arrivé une histoire extraordinaire. Elle a voulu des amants, elle s'ennuyait avec son mari. Tu devrais écrire cette histoire. Et Flaubert va effectivement enquêter sur Delphine de Lamarre, et ça va donner quoi? L'un des plus grands romans de l'histoire littéraire française, Madame Bovary. Madame Bovary, évidemment. Madame Bovary s'appelle en réalité Delphine de Lamarre. Mais c'est le même destin. Ça part d'un fait divers, comme beaucoup, beaucoup de romans, il faut énormément. Le dire. Et beaucoup de films, etc. Énormément. Alors, à propos de suicide, il y en a un qui vous a hanté, vous, à titre personnel, qui occupe une place importante dans ce dictionnaire. C'est un sujet qu'on a traité très souvent ici, mais on ne s'en lasse pas parce que c'est la grande énigme historique par essence, c'est la mort, je dis suicide, on n'en sait rien du reste, en tout cas la mort violente, très inattendue, de l'archiduc Rodolphe à Meierling, oui. À la fin du 19e siècle. Moi je pense que malheureusement, la réalité est ce que beaucoup d'historiens disent, c'est-à-dire qu'ils se sont tués. Je suis allé à Meierling parce que je devais créer un film pour la télévision autrichienne et je voulais connaître. Bon, il faut que je voie les lieux pour pouvoir en parler. C'est fondamental. Je dois dire que Meierling même m'a déçu, mais en revanche, quelque chose m'a vraiment touché. Il n'y a plus rien à Meierling. Non, il n'y a plus rien. Il y a quasiment plus rien. Il y a les bois environnants. Mais pas loin, il y a la tombe de Marie. Marie tombe qui a été profanée 3 ou 4 fois. Enfin, il est arrivé Marie Vetsera. Et c'est une tombe d'une simplicité énorme. Il n'y a rien. C'est une petite pierre friable, grise. Et le jour où j'y suis allé, vous savez, c'est quand la neige devient lépreuse, qu'elle fond à moitié, c'est pas très beau, c'est ni blanc ni gris. Il y avait un tout petit bouquet de violettes qui était posé sur la tombe de Marie. J'ai trouvé que, pour moi, c'était ça, Meierling. Et je suis, de ce jour, tombé vraiment amoureux de la petite Marie, qui, je crois, était moins jolie que je ne l'imagine. Moins jolie, en tout cas, que Catherine Deneuve dans le film de Terence Young. Ou que Daniel Darieux, je crois, a tourné un Meyerling également. Mais c'est vrai que c'est une très très belle tragédie, c'est une belle tragédie d'amour. Oui, sublime. Alors, vous nous dites dans l'introduction du dictionnaire amoureux que chez vous, en parlant de vos parents, les faits divers étaient chez eux. Vous êtes un peu né au milieu des faits divers, il faut le préciser. Oui, d'abord parce qu'à l'époque, il y avait 2 tournées de facteurs par jour. C'était merveilleux. Et mon père était abonné à peu près à tout ce qui se faisait dans le domaine de la presse. Et donc, on avait le soir des livraisons de journaux, dont le regretté François et sa page 2 qui était consacrée au crime. Il y avait la fameuse bande dessinée « Le crime ne paie pas ». Et surtout, pour une raison que je ne me suis jamais expliquée, mais que je bénis, l'appartement était entièrement ceinturé à l'intérieur d'une bibliothèque qui devait avoir 80 cm, 1 mètre de haut au grand maximum, donc qui était à portée du regard et des mains du petit garçon que j'étais. Et cette bibliothèque était pleine de bouquins racontant d'épouvantables histoires criminelles. Et personne ne s'est jamais préoccupé de censurer mes lectures d'enfant, ce qui fait que je me régalais. J'en tremblais la nuit, mais c'était formidable. Le dictionnaire amoureux des faits divers de Didier Decoin est évidemment édité chez Plon. Merci beaucoup Didier Decoin. Merci Franck Ferrand. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et votre réponse, Franck Ferrand, à la question de Germain, qui nous l'a envoyée via le site internet d'Europe 1. Germain souhaite connaître le sens et l'origine de l'expression « pas de quartier ». Pas de quartier, voilà une expression qui est en quelque sorte liée à la piraterie. Au départ, c'est un terme de jargon militaire. Les quartiers, vous savez, sont les lieux où l'on installe les troupes en sécurité pour se reposer, pour se soigner. Et puis petit à petit, ce terme de quartier a été associé à l'idée de bon traitement pour les prisonniers, notamment. Et c'est au XVIIIe siècle que l'expression est employée dans le sens de grâce, de miséricorde, de vie sauve. Dans la marine, notamment, dans le vocabulaire maritime, demander quartier, ça voulait dire demander grâce. Et c'est là que les pirates entrent en scène, si je puis dire, puisque c'était eux qui, lors des abordages, décidaient de faire quartier, c'est-à-dire de faire grâce, ou de ne pas faire quartier, c'est-à-dire dans ces cas-là, on mettait la victime à mort. Donc quand on dit pas de quartier, ça veut dire pas de grâce, pas de limite, on y va sans aucune pitié. C'est, on peut dire d'une certaine manière, que seule la forme négative de l'expression a subsisté à travers cette formule « pas de quartier ».